Je m'épanouis à travers ce que je vis et aime douleur. Mais au fond de mon âme, je ressens toujours cette même douleur. Je tiens l'équilibre entre bonnes nouvelles et drames. Dehors, y'a que du haram, ça sort les armes pour quelques grammes. Je pense à mes proches qui se préoccupent de mon sort. Si j'allais voir un psy, ils comprendraient la complexité de son job. Je pense à mes potes qui sont en tol, d'autres qui sont morts. Je pense aux rappeurs qui glorifient le crime et je me dis qu'ils ont tort. N'oubliez pas que les petits frères sont à l'écoute. N'oubliez pas qu'Iblis et Lucifer sont parmi nous. Casser les clichés d'un problème trop difficile à résoudre. Je vais pas trancher les coups de ceux qui ne répondent pas au salam alaikum. Un grand respect à ceux qui me soutiennent depuis le début. Avant j'étais sur le banc, grâce à vous je peux marquer des buts. J'ai de l'espoir mais bon c'est rude. Je n'ai pas fait de grosses études. Grâce à vous parfois le soleil éclaire ma vie sous le déluge. Parce que ma bulle est une cellule, mon vent fait pas le poids dans leur urne. Heureusement que ma daronne n'a pas accouché un soir de pleine lune. Qu'est-ce que je pourrais faire de ma vie à part rapper? J'ai posé des CV et un peu plus de biche, personne ne m'a rappelé. J'ai l'air embarrassé, je me suis juré de ne pas lâcher. C'est ça, retourner dans la rue, dealer ou taffer à la chaîne. C'est ça, faire du blé, esquiver ou manger la gamelle. Un choix entre compter des palettes ou piquer des lamelles. Pas à l'abri d'un accident ou d'une maladie grave. Je te souhaite la paix, que tu sois barbu ou que tu es là qui part. Le monde part en couille, c'est écrit et c'est un signe. J'ai l'érite de fin triste et beaucoup plus long que celui d'un film. Je plaide coupable si la vérité est un crime. Si la liberté a un prix, je ne fais que lire à travers ma rétine. Regarde les tragédies, Israël, Palestine. L'Afrique est à mes cris à l'heure où l'Amérique nous souhaite bon appétit. On vit dans le gouffre, les autorités s'en foutent. C'est la jungle et ils nous laissent crever comme une grippe étancourt. La joie et la tristesse demeurent indélébiles, ça pille. On n'a pas le fabuleux destin d'Amélie.